L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver ici à l'occasion de l'apostrophe, l'émission. En ce début d'année 2017, il est encore possible pour moi et mes invités de vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. On espère avec un maximum de spectacles vivants à découvrir, plus de culture à partager et des spectacles à voir tout près de chez vous. C'est un petit peu l'invitation permanente que nous vous proposons à longueur de temps, à longueur d'année sur nos ondes de RGB. Aujourd'hui, l'émission a pour invité Jean-Joël Le Chapelain, notre complice habituel qui par ailleurs coproduit cette émission en sa qualité de directeur de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Bonjour Jean-Joël. Bonjour. Meilleurs vœux également. La même chose et tous mes voeux pour la station RGB. Deuxième invité, Alain Moget, pianiste, compositeur et bien plus encore. Il sera question de ciné-concert avec l'inconnu et Bessie à Broadway. Bonjour Alain Moget. Bonjour José. Meilleurs voeux également. Absolument. Pour cette année et pour tous vos projets également à venir. Aurélie Vandenborn, relations publiques, communication, développement culturel, tout cela au Forum de Vauréal, une scène de musique très actuelle, alors avec un slogan qui vit depuis 1994, qui est l'identité aussi de ce lieu, la plus grande des petites salles de concert, on va dire en France carrément. Ah oui, allons-y en France. Bonjour José. Bonjour Aurélie, meilleurs voeux également. Pour cette nouvelle année. Il sera entre autres question d'un concert organisé en partenariat avec l'apostrophe et donc le forum de Vauréal, le concert de Rover, qui sera à l'affiche le 21 janvier, mais on parlera plus largement de cette relation qui se noue au fil du temps entre vos deux institutions. Et il sera aussi question d'accueillir Jean-Christophe Meurice et ses Chiens de Navarre, collectif en résidence à l'apostrophe, avec une création à découvrir dans les prochaines journées, semaines. Nous avons les machines. Nous avons enregistré cet échange directement pendant un temps de création, de répétition sur une autre création qui sera sur l'identité nationale, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, eh bien, nous allons parler avec Alain Moget de ciné-concert. Alors, au départ, je disais un ciné-concert. Non, j'y prête un peu plus attention, puisque j'ai indiqué L'Inconnu et Bessie à Broadway. Deux films qui marquent l'âge d'or du cinéma muet. Et donc, il s'agit d'un double ciné-concert, Alain Moget. Absolument, un double ciné-concert. Et vous parlez d'âge d'or. Cet âge d'or, on peut le situer entre 1920 et 1930, et ils sont respectivement de 1927 pour L'Inconnu et 1928 pour Bessie à Broadway. Et ce sont deux ciné-concerts qui s'appuient sur des films de réalisateurs tout à fait exceptionnels et qui n'ont vraiment aucun rapport. Ce qui est l'enjeu de ce super ciné-concert, en quelque sorte. Donc vous êtes un funambule, finalement, puisque comment se crée le lien entre ces deux films ? Eh bien, funambule est très bien choisi. Merci José, puisque le premier film se passe dans un cirque, qu'il a été réalisé par Todd Browning qui a fait Freaks, vous savez, la monstrueuse parade, un film très dérangeant et tout à fait insolite, presque unique dans son genre. Cependant que le second film se passe dans un théâtre, enfin on dirait dans deux lieux de théâtre, un à Broadway et un dans une compagnie itinérante. Du musical. Et oui, il y a une partie musicale tout à fait à Broadway, c'est tout à fait ça. Et il est réalisé par, un des réalisateurs les plus gracieux fournis par les Américains, qui est Frank Capra. Donc retrouver, réunis ensemble, donc, à la fois Todd Browning et Frank Capra, c'était un enjeu qui me paraissait intéressant parce qu'ils parlent tous les deux, finalement, du spectacle vivant.

de la chanson, mais pas que non plus. Un artiste singulier de la chanson, assurément, qui a sorti son deuxième album, c'était en 2015, un album dont il sera forcément question au cours de cet échange que nous allons avoir avec Aurélie Vandenborne, qui est en charge des relations publiques, de la communication, du développement culturel au Forum de Vauréal, l'un des partenaires de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise. Alors, on va évidemment aborder ce concert et cette actualité proche dans le temps, puisque ça se déroulera le samedi 21 janvier à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Mais peut-être quelques mots de présentation pour ceux et celles qui nous écoutent sur ce lieu lui-même singulier, je disais tout à l'heure, la plus grande des petites salles depuis 1994, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Sauf que bientôt, ça sera plus la plus petite. Alors, ce sera pas, peut-être pas la plus grande non plus, mais en tout cas, oui, il y a des projets pour à l'aube de 2020. Voilà, le forum s'agrandit. C'est une volonté politique hein, de la maire de Vauréal de vouloir construire encore un projet culturel toujours plus fort à Vauréal. Et donc, on s'agrandit. Une salle de 800, un club de 250 qui nous permettra de continuer à développer les artistes locaux. Voilà, trois studios de répétition, un vrai espace d'exposition, puisqu'on parlait de pluridisciplinarité, mais le forum est une scène conventionnée de musique actuelle, mais aussi un lieu pluridisciplinaire et d'autres beaux projets, on l'espère, en devenir. C'est utile de le préciser parce que souvent les raccourcis font que quand on parle de lieux comme celui-ci, on le résume uniquement, on va dire, à l'espace, au moment des concerts, à l'organisation de concerts. Or, le Forum de Vauréal, c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est même des actions culturelles, des actions éducatives menées vers les habitants, vers le jeune public également. Oui, complètement. Alors nous, c'est quelque chose qu'on défend dans le projet artistique et culturel du lieu. C'est cette ouverture dont parlait Alain tout à l'heure, cette ouverture à différents arts, mais aussi cette ouverture en direction de différents publics. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment développer et on travaille notamment à la diffusion d'autres esthétiques musicales qui, on l'espère, seront plus présentes sur le nouveau lieu avec une configuration particulière, debout, assis, qui nous permettra aussi d'envisager d'autres choses. Et puis on est aussi sur tout ce qui est art vivant, hein, expression scénique. On parlait du corps tout à l'heure. Le musicien sur scène, il s'exprime aussi avec son corps. Et donc on tourne ce projet artistique et culturel de cette manière-là. Venons-en au concert, proche dans le temps, disais-je, puisqu'il sera à l'affiche le samedi 21 janvier. À l'apostrophe Théâtre des Louvrets avec Rover. Colosse à la voix chaleureuse avec un deuxième album qui marqué plus que sympathiquement par la critique. Album gorgé de chansons cristallines et rocailleuses. Album incandescent. Et là, il y a un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure parce que la presse s'en fait le renfort. Rover fait alors de Let It Glow, son deuxième album, un film noir en même temps qu'un space opéra. Pas moins. Ça, c'est le message que j'adresse au passage à Alain Mauger qui intervenait dans notre émission il y a quelques instants. Alors, c'est vrai que c'est difficile de cataloguer, d'enfermer, de réduire un artiste comme Rover dans un genre particulier. Oui, complètement. Alors, Rover, c'est un projet de quatre musiciens incarnés par Timothée Régnier, qui en est le chanteur, effectivement, le colosse sur scène. Il a une réelle présence, il est très charismatique. Et effectivement, on a tendance à oublier les musiciens derrière. Et pourtant, ils sont là et ils ont aidé à la composition de ces morceaux. Il a une voix qui est vraiment marquée, très, très rocailleuse, une musique très douce. Alors c'est vrai qu'il aime peut être catalogué. Mais si vous aimez Bowie, Lennon... les Beach Boys, vous aimerez Rover. Alors, sans chercher à dire que c'est un artiste complexe, mais en tout cas, si on ne peut pas simplifier effectivement ses origines musicales ou ses sources d'inspiration, parce qu'il se revendique aussi bien de Bach que de Bowie, que de Gainsbourg. C'est dire le personnage particulier. L'ouverture, complètement. Voilà. C'est ce qu'on recherche aussi dans la programmation des artistes, que ce soit au Forum et bien sûr à l'Apostrophe. C'est cette ouverture, cette idée originale, cette idée d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Et c'est ce qui nous fait choisir ces artistes et défendre ces artistes sur scène. D'autres concerts au cours des saisons passées ont été organisés en partenariat entre le Forum de Vauréal et l'Apostrophe, la scène nationale. Intérêt, on entendra effectivement le point de vue de Jean-Joël Le Chaplin dans quelques instants, mais l'intérêt pour un lieu, je ne sais pas si vous avez le label ou si c'est en cours, le label Scène des musiques actuelles, SMAC, comme on dit, le jargon musical. Donc, un lieu référence au niveau des musiques actuelles, avec tout le développement, pas simplement la présentation de création, de réalisation sur scène, mais un travail d'accompagnement aussi sur le plan artistique. Un travail d'accompagnement et un travail aussi de résidence, de création, de répétition scène. Donc, c'est un lieu qui vit en journée aussi. Et tout un travail d'action culturelle qu'on défend et qu'on mène avec un spectre de plus en plus large en direction de publics de plus en plus large. Alors souvent quand on parle des publics, le croisement des publics, il faut aller à la conquête des publics car tous les Français ne vont pas dans les salles de spectacle, on peut le regretter mais c'est ainsi. Comment amener effectivement à renouveler son public, à élargir son public, l'idée de croiser les publics aussi qui vont dans des lieux, qui se sont fidélisés à des lieux. C'est un peu ça qui est un peu à l'origine de ces partenariats noués entre autres là, entre le Forum et l'Apostrophe. Alors, pour notre part, en tout cas, je réponds par rapport au Forum, l'objectif, il est double. D'abord, pour les artistes, enfin, je crois que les artistes sont là pour transmettre et pour aller à la rencontre de publics toujours plus larges. Pour ce faire, la salle, le lieu de concert, est là aussi pour essayer de le faire rencontrer ce public. C'est notamment pour cela qu'on a mené le partenariat avec l'Apostrophe, pour diversifier un peu tout cela. Et aussi, on travaille pour les artistes, mais également en direction des publics, et leur proposer des choses de qualité diverses, dans toute une diversité, c'est aussi l'intérêt d'un partenariat tel que celui entre l'Apostrophe et le Forum. Point de vue de Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'Apostrophe. Oui, tout est dit, ça sert à ça. Alors souvent on dit, on parle d'élargissement des publics, on parle de nouveaux publics, donc il n'y a pas de doute que si on considère le public régulier et habituel du Forum de Vauréal, et si l'on considère le public régulier habituel de la scène nationale, lorsque l'on propose une offre artistique pour un projet qui se situe à la rencontre des programmes de ces deux institutions, on va permettre des déplacements pour venir voir les choses de l'autre. Et en ce sens-là, on fait tout à fait œuvre utile pour permettre l'ouverture qui était évoquée tout à l'heure. Mais on n'arrive pas à mesurer, parce qu'on dit que ça ne concerne pas évidemment toute la population française, ce qu'il y a dans les salles de théâtre publiques ou autres. Mais on a du mal, je pense, j'en suis sûr même, à mesurer la volatilité d'un public. Qui ne connaît pas autour de soi des gens qui sont allés une fois au spectacle? C'est pas parce qu'ils ne sont pas des habitués d'un lieu qu'ils ne vont jamais au spectacle. Et donc, cette volatilité fait que la place de l'art dans l'art vivant dans la société française aujourd'hui est très importante. Elle n'a jamais été, je crois, aussi importante, d'autant moins que un certain nombre de leaders politiques dans la campagne qui s'annonce mettent la dimension de la culture en avant. C'est d'autant plus vrai que la région Île-de-France vient d'annoncer un programme tout à fait offensif en mettant la culture au cœur de ses préoccupations politiques. Donc ça illustre que finalement toutes ces actions sont dirigées vers la population. Et qui est un peu plus qu'un consommateur. Quand on est dans une salle de spectacle, c'est pas totalement la même chose que quand on écoute un disque chez soi. C'est bien d'écouter un disque chez soi, mais dans la salle de spectacle, il y a la rencontre avec l'autre. Et ça, il y a la rencontre avec ce qu'il y a sur le plateau, bien sûr. Mais il y a la rencontre avec l'autre, auquel on est dont on est voisin, hein, sur le, dans le fauteuil ou dans le hall. Avec l'idée aussi de cette ouverture sur les autres, sur l'autre, et l'idée que ces lieux de culture ne sont pas en concurrence, mais tout à fait complémentaires. Oui, puisque enfin, ça c'est la question des chapelles qui évidemment est présente dans chaque développement de projet. Selon la nature du projet, on a tendance à penser que on doit porter ce projet le plus loin possible, capitaliser le plus d'énergie, rassembler le plus de monde, etc. Ce qui est tout à fait légitime dans toute entreprise de développement. Et dans le spectacle, c'est une entreprise de développement auquel nous avons affaire. Mais il y a de la place pour beaucoup de monde. Et c'est précisément la diversité des approches et des points de vue qui crée société et qui crée l'intérêt d'une communauté qui n'a pas une seule voix, une seule radio, une seule ligne qui a en effet, et c'est peut-être sûrement ça l'une des expressions les plus abouties de la démocratie, qui n'est pas la même chose que la consommation, mais c'est celle de pouvoir aller rencontrer de manière libre et simple les propositions artistiques qui, elles, doivent être totalement soutenues pour avoir la liberté d'être exprimées. Tout ça, ça parle aussi de diversité culturelle, finalement. Aurélie, un dernier mot, oui, peut-être. Oui, je disais, j'ai l'habitude de penser, quand on travaille dans un lieu culturel, on aime se placer aussi en tant que public et se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais voir ? Peu importe dans quel lieu, et qu'est-ce que j'aimerais voir ? Mais j'aimerais découvrir des choses, des propositions différentes. J'aimerais qu'on attise ma curiosité, qu'on m'amène vers d'autres choses, qu'on me surprenne. Et vraiment, l'objectif du partenariat, c'était cette envie-là, essayer d'assouvir cette envie, cette curiosité permanente, que ce soit dans le théâtre, la musique. On en parlait tout à l'heure avec Alain, le cinéma et la musique. Je veux dire, c'est cette espèce d'idée d'un... Moi, je suis encore dans cette théorie-là, d'un art total, qui intéresserait différents publics, voilà. Le futur proche du forum, c'est pour bientôt, on est en période de vœux. Quelles sont les échéances ? Alors 2020, ouverture janvier 2020 pour le forum 2. Voilà. Juste préciser que ce partenariat dont on vient de parler entre le Forum de Vauréal et l'apostrophe de Sergi Pontoise ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs saisons qu'il s'est construit, qu'il se développe, et je pense que le futur permettra encore de renforcer ces partenariats entre ces différentes institutions culturelles du territoire de Sergi Pontoise et du Val d'Oise. On a parlé d'un concert, on a parlé d'une actualité immédiate, je la rappelle pour nos auditeurs, Rover en concert à Sergi Pontoise, à l'apostrophe Terre des Louvrets à Pontoise, le samedi 21 janvier à 20h30, en partenariat avec le Forum de Vauréal, un choix musical qui va forcément correspondre avec son dernier album à Rover. Oui, alors complètement, avec son dernier album qui viendra présenter sur le territoire valdoisien, Let It Glow, qui veut dire littéralement « Laissons tout cela s'illuminer ». Ah, magnifique message. Merci Aurélie Vandenborn, à bientôt. À bientôt. Give me some time and patience on and on. I'm trying to find a place that feels like home. Endless tides of panic on my soul. Someday we'll die and leave us all alone. Yeah, I spend those nights all alone. You know I'm waiting for ghosts to show. They tell me stay on the road. Tell me stay on the road. Collider dance like wrecking balls. And my leaf stays on the road. Some need some oil.

rediffusées samedi 14 janvier de 9 à 10 heures. Oui, on rediffuse sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur Internet au www.radio-rgb.net. Puis, on peut partir même à distance et en vacances avec le podcast dans la poche à cette même adresse sur Internet. C'est dire, votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission aura lieu le mercredi 7 février prochain de 19 à 20 heures. On compte sur vous. D'ici là, au plaisir de vous croiser à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, ou bien sur les ondes enchantées de votre radio locale RGB. On vous renouvelle tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. À bientôt! L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2.